sur la plage de Sorensara. Nous sommes rencontrés. Un pêcheur et sa guitare chantaient dans la nuit d'été cette douce mélodie.